Les délégations des partis politiques nigérians et les personnalités de différents milieux de divers pays ont visité du 2 au 9 courant les ambassades coréennes dans leur pays pour féliciter le 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée. Les délégations du Rassemblement pan-national pour le progrès, de la Fédération pan-nationale pour le progrès, du Parti démocratique uni, du Parti populaire pour le grand progrès, de la Fédération démocratique progressiste et du Parti progressiste du peuple du Nigeria, les personnalités de différents milieux, comme le directeur de la radio AIT et le dirigeant du comité central du Parti communiste népalais marxiste-léniniste uni, ancien premier ministre du gouvernement népalais, ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant les portraits en sourire et les portraits en pied du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il avant de rendre hommage.